L'horloge d'André Theuriet. C'était une horloge du XVIIIe siècle, enfermée dans une longue boîte de noyer qu'enjolivait une curieuse marqueterie de bois de rose. Tout en haut, le cadran de cuivre, finement ciselé, montrait à nu l'émail bleu de ses chiffres romains, tandis que dans les flancs entournés de l'étui, le grand balancier allait et venait avec un bruit sec, laissant voir à intervalles réguliers son disque jaune par la vitre ronde d'une lucarne. Le marteau tombant lentement sur le timbre sonnait les quarts, les demi et les heures, avec un tintement pareil à la sonnerie d'une église de village. On l'entendait du milieu de l'escalier, ainsi que le majestueux tic-tac du pendule. L'horloge avait dû orner jadis le vestibule de quelque château campagnard. Par quelle traverse et par quel milieu avait-elle passé avant de venir meubler la modeste salle à manger du petit appartement que Madame Noirtin occupait au cinquième d'une maison de la rue Saint-Placide? Madame Noirtin elle-même n'aurait pu le dire au juste. Tout ce qu'elle savait, et qu'elle ne se lassait de conter à son vieil ami M. Évonime Martelot, c'est que l'horloge provenait de l'héritage de sa grand-mère paternelle, et que celle-ci l'avait apportée en dot lorsqu'elle était entrée en ménage vers 1813 ou 1814. Madame Noirtin avait passé la trentaine. C'était une petite femme rondelette, à la taille bien prise malgré un commencement d'embonpoint, au maintien discret et décent, au calme visage éclairé par deux yeux bruns limpides et encadré par d'épais cheveux noirs. Elle était veuve d'un commis principal au ministère des Travaux publics, qu'il avait épousé sur le tard et qui était mort, lui laissant le tiers réversible de sa pension de retraite et une rente de 800 francs. C'était sur ce modique revenu de 1400 francs que vivait la veuve, en y ajoutant les gains très variables de couture que lui fournissait un grand magasin de confection. N'ayant point d'enfant et menant une existence très simple, elle trouvait le moyen de nouer les deux bouts, non sans beaucoup de tirages aux époques de morte saison. Elle était très laborieuse, avec des goûts casaniers, ne sortait guère que pour aller au magasin dans la semaine, et le dimanche pour entendre la messe à l'église des missions. Elle n'avait conservé de relations qu'avec des parents éloignés, qu'elle voyait à peine deux fois l'an, et avec Évonime Martelot qui la visitait plus assidûment. Martelot, commis ordinaire aux travaux publics, était l'ancien ami et l'ancien subordonné de feu M. Noirtin. Il professait un culte pour la mémoire du défunt qu'il avait pistonné et protégé lors de son entrée au ministère. Déjà quadragénaire, grand, blond, le teint rose, il avait des yeux bleus à fleur de tête, facilement humides, les cheveux rares, le front étroit et les lèvres épaisses. Sa physionomie n'était pas très intelligente, mais empreinte de bonté et de sensibilité. C'était un garçon timide et embarrassé. Il ne savait que faire de ses mains et achevait difficilement ses phrases. Au demeurant un brave cœur, un employé modèle, ce que les collègues appellent dédaigneusement un cul de plomb. Il était resté célibataire, non pour aversion pour le mariage, mais par suite de son excessive timidité. Quand il avait consciencieusement donné au ministère ses 7 heures par jour, il s'efforçait d'arrondir son maigre budget en tenant les livres 3 fois par semaine chez un gros négociant de la rue du Sentier. Il consacrait les 4 autres soirées restant libres à des visites chez Madame Noirtin. Il reportait sur elle l'attachement reconnaissant qu'il avait lié à 15 ans à feu Noirtin. C'était lui qui s'occupait des intérêts de la veuve, touchait sa pension aux échéances et lui épargnait en général toutes les corvées désagréables. Il grimpait ponctuellement les 5 étages de la maison de la rue Saint-Placide au coup de 8 heures. Invariablement, quand le bruit sec de la détente de l'horloge annonçait les 5 minutes avant 10 heures, il se gantait, serrait la main de son ami, et au milieu de l'escalier, il entendait encore, en s'éloignant, le timbre grave et familier de la sonnerie de l'horloge. C'était un beau spectacle que l'innocente intimité de ces 2 cœurs simples qu'unissait honnêtement le souvenir de feu Noirtin. Que rapprochaient les mêmes goûts paisibles, les mêmes idées un peu terre-à-terre, et la même pauvreté résignée. Pendant ces soirées passées dans la salle à manger, près du poêle de faïence en hiver, devant la fenêtre en été, les propos étaient peu variés, Évonime étant un médiocre causeur. Tandis que Madame Noirtin taillait des patrons, bâtissait un corsage ou une veste, Marthelot racontait les commérages des bureaux. La veuve, habituée par son défunt mari à ce genre de conversation, connaissait les noms des employés de la division et s'intéressait encore à ce qui se passait là-bas. Le commis ne lui faisait grâce d'aucun des incidents de la vie bureaucratique. Il lui narrait longuement toutes ces tempêtes dans un verre d'eau qui prennent sous des crânes d'employés les proportions de grands événements politiques. Le nouveau directeur ne plaisantait pas sur l'assiduité aux heures réglementaires. Malgré tout, les choses n'en allaient pas mieux qu'autrefois. Il y avait toujours des amateurs qui en prenaient à leur aise, et la besogne retombait sur les travailleurs consciencieux. Il n'y aurait point d'avancement en janvier, et on parlait de supprimer les gratifications. La cheminée du sous-chef envoyait toute sa fumée dans le bureau des commis, ce qui était très malsain pour les bronches, etc. Quand il en avait fini avec ses menues nouvelles, Évonime s'arrêtait net. Il n'avait pas l'imagination féconde. Lorsque Madame Noirtin était trop affairée à sa couture pour lui donner la réplique, il arrivait fréquemment que l'entretien tournait court. De temps à autre, il régnait dans la salle à manger de profonds silences pendant lesquels on n'entendait plus que le grincement des ciseaux et le tic-tac familier de l'horloge. Cette horloge, du reste, servait le plus souvent à réveiller la conversation assoupie, et le timide Évonime ne manquait pas de la faire entrer en propos quand il se trouvait à Kia. Il tirait de son gilet une vieille montre d'or, dodue comme un oignon, à laquelle il tenait plus qu'à ses yeux, et qui était maintenue à une boutonnière du gilet par une antique chaîne d'or à gros chaînon. Puis, il comparait minutieusement les indications de ce respectable régulateur avec celles de l'horloge, et constatait malicieusement que celle-ci était en avance ou en retard de quelques minutes. Madame Noirtin prenait vivement la défense de son cadran. Elle aimait l'horloge comme Marthelot aimait son oignon. Depuis sa plus petite enfance, elle avait été élevée dans le respect et l'admiration de cette maîtresse pièce du mobilier de son aïeul. Elle vénérait la mémoire de sa grand-mère, et l'horloge avait hérité d'une part de cette vénération. Une fois sur ce chapitre, la veuve ne tarissait plus. Elle évoquait, avec une grande lucidité et une verve inaccoutumée, tous ses souvenirs d'enfance. Elle dépeignait à Marthelot la cuisine de sa grand-mère, au fond d'un village de l'Argonne. Elle précisait la place qu'occupait l'horloge entre le lit et la crédence, en face de la haute cheminée, si vaste qu'on voyait le ciel en se penchant sous le manteau. Puis elle mettait en scène son aïeule, petite, vive, alerte, rageuse, et redressant d'importance les gens qui se permettaient de manquer d'égard pour l'horloge. Elle la remontait elle-même, disait Madame Noirtin en enveloppant d'un regard attendri la longue boîte de noyer. Personne qu'elle n'avait le droit d'y toucher. Tous les samedis, elle ôtait ses souliers et montait sur une chaise, elle frottait la marqueterie, astiquait les ornements de cuivre, visitait l'intérieur avec la pompe et les religieuses précautions d'un prêtre qui ouvre le tabernacle où sont les bases sacrées. Mon grand-père était jaloux de l'horloge. Il prétendait que ma grand-mère l'aimait mieux que lui. « sûr que oui !» répondait malignement en patois mon aïeul. « J'ai eu assez de mots avec vous. Si ma pauvre maman avait su ce qui m'attendait en ménage, ni l'horloge ni moi ne serions entrés ici. » « Vous n'avez mis toujours parlé un là, notre Marianne ?» repartait le bonhomme patelinement, en riant d'un rire silencieux qui lui fendait la bouche jusqu'aux oreilles. « Vous m'aimiez pourtant bien quand vous montiez à la gerbière de votre grenier pour me voir revenir des champs. »« Taisez-vous, menteur !» Et la petite femme haussait les épaules. « Taisez-vous ! Je ne vous ai épousé que pour vous empêcher d'être soldat des armées de l'empereur premier. Vous me devez un beau cierge, car vous aviez assez peur de partir. »« Moi ?» « Moi ?» s'écria le grand-père en se dressant comme un coq sur ses ergots. « Peur, moi, qui ai soutenu tout seul la retraite des Cent-Jours dans l'Argonne ?»« Je ne sais, » reprenait Madame Noirtin en souriant, « ce que mon grand-père entendait par ce soutien qu'il avait prêté à la retraite des Cent-Jours. Il n'en savait trop rien lui-même. ayant passé tout le temps de l'invasion de 1815 caché dans son bois du Chanois. Ces discussions, qui se renouvelaient souvent et qui l'amusaient fort, étaient généralement interrompues par la sonnerie de l'horloge annonçant le dîner ou le souper auquel le héros des 100 jours faisait grand honneur. La vérité est que mes braves parents s'adoraient, qu'ils sont morts très vieux à 6 mois de distance en s'aimant toujours, et que l'horloge leur a sonné la dernière heure à tous deux. Après leur mort, je n'ai pas voulu qu'elle passât en des mains étrangères, et je l'ai fait revenir ici. Vous allez me trouver bien enfant, monsieur Martelot, mais quand j'ai revu l'horloge dans cette salle, et que j'ai entendu sa sonnerie tinter comme à l'époque où j'avais 15 ans, les larmes me sont montées aux yeux. C'était toute ma première jeunesse qui ressuscitait. Il me semblait voir mes deux vieux parents assis côte à côte, en face de l'étui de noyer, sous le manteau de la haute cheminée où je me chauffais près d'eux, assis sur un petit tabouret. Madame Noirtin soupirait, et Évonime Martelot sentait tout à coup ses yeux devenir humides. Il se mouchait bruyamment et disait, en manière de conclusion, « C'est une bonne chose que de bien s'aimer. » En même temps, il levait timidement les yeux et regardait à la dérobée la douce figure de Madame Noirtin, dont les prunelles, couleur café, brillaient d'un éclat si limpide. Il contemplait silencieusement les cheveux noirs modestement tirés sur les tempes et roulés par derrière en un épais chignon retombant sur la nuque. Ses lèvres s'ouvraient comme pour articuler une phrase difficile, puis se refermaient gauchement. Il soupirait à son tour, se gantait et prenait congé de la veuve. Un soir de mai, comme les souvenirs évoqués par l'horloge avaient de nouveau rendu la conversation plus animée et plus intime, Madame Noirtin s'écria brusquement. « Expliquez-moi une chose, monsieur Martelot. Vous, qui êtes un homme d'intérieur, affectueux, rangé et tranquille, comment n'avez-vous pas songé à vous marier ?» Martelot, un moment interloqué, répondit en rougissant. « Mon Dieu, j'y ai bien songé, mais j'étais trop jeune alors et trop pauvre. Maintenant, il n'est plus temps. Pourquoi ? Parce que je suis trop vieux. Vieux, à 40 ans ? Savez-vous que ce que vous dites n'est pas très galant pour moi, qui vais en avoir 35 ?» Martelot rougit de plus belle et jeta vers son interlocutrice un regard chargé d'excuses et de protestations. Et tout en balbutiant une phrase inachevée, il songeait, à part lui, que Madame Noirtin paraissait certainement plus jeune que son âge. Le printemps lui avait rosé les joues, éclairci le teint et fleuri les yeux. Ses cheveux bouffaient légèrement et un petit bouquet de violettes passé dans son corsage en faisait ressortir les contours discrètement rebondis. « D'ailleurs, reprit-il en baissant les yeux, il me semble que je n'oserais jamais demander une femme en mariage. Je suis trop timide. »« Oui, vous êtes très timide, » murmura la veuve en retournant à sa couture après un moment de silence. Il ne répliqua pas. Il tenait toujours ses yeux baissés et, pour se donner une contenance, faisait craquer la jointure de ses doigts. Ils restèrent muets un bout de temps, puis, tout d'un coup, le bruit sec de l'horloge annonça 5 minutes avant 10 heures, et Évonime Martelot se retira après avoir serré nerveusement la main de Madame Noirtin. Le printemps et l'été se passèrent sans rien changer aux habitudes ni à la réserve de ces deux discrets personnages. Madame Noirtin ne se permettait plus d'allusions au célibat obstiné d'Évonime. Celui-ci aurait bien voulu que la question fût de nouveau examinée. Il se reprochait d'avoir été un peu sot dans ses répliques, et une fois rentré dans son maussade logis de garçon, il trouvait, avec une facilité prodigieuse, les réponses ingénieuses et tendres qu'il aurait pu faire. Mais quant à prendre sur lui de remettre l'entretien sur le chapitre du mariage, il ne se sentait pas assez brave. Dès qu'il était chez la veuve, l'idée de toucher seulement à ce point délicat lui donnait la chair de poule et des battements de cœur. Du reste, depuis la fin de l'automne, Madame Noirtin paraissait fuir plutôt que rechercher les confidences de son fidèle serviteur. À mesure que le mois d'octobre approchait, son front se rembrunissait et une brume légère voilait ses yeux bruns. Il était évident qu'elle avait quelques sérieux sujets d'inquiétude. Évonime se demandait avec ennui ce que ce pouvait être. On était en pleine morte saison et il était possible que Madame Noirtin eût des embarras d'argent. mais comme elle était très fière, elle n'en parlait pas. Marthelot avait beau s'ingénier à provoquer sa confiance, il se heurtait à une volonté bien arrêtée de ne rien laisser deviner. Un des premiers soirs d'octobre, Évonime montait en soufflant l'escalier étroit, aux marches rouges d'encaustique, qui conduisait à l'appartement de la veuve. Arrivé au quatrième, il fut très étonné de ne pas entendre le puissant tic-tac de l'horloge. « Est-ce qu'elle se serait arrêtée ?» se demanda-t-il in petto. Et en entrant dans la salle à manger, sans avoir serré la main de son ami, son premier soin fut de s'assurer par la lucarne vitrée si le balancier exécutait son va-et-vient habituel dans la boîte de noyer. Tout à coup, ses yeux s'arrondirent, ses grosses lèvres restèrent entr'ouvertes et ses traits exprimèrent un violent ahurissement. L'horloge avait disparu. On ne voyait plus sur la muraille que la trace de l'étui, marquée par le ton plus neuf du papier de tenture à l'endroit où la longue boîte s'était dressée si longtemps. « Vous cherchez l'horloge ?» dit Madame Noirtin d'une voix un peu enrouée. « Oui, répondit-il. Qu'est-elle donc devenue ?»« Mon Dieu !» reprit la veuve en raffermissant sa voix. « Je me suis résigné à un gros sacrifice. Les gens du quatrième prétendaient que le bruit de la sonnerie les empêchait de dormir. Le propriétaire parlait de me donner congé, alors je m'en suis défaite. « Vous avez vendu l'horloge ?» s'écria Évonime, atterré. « Pas encore, mais j'espère bien en tirer un assez bon prix. Je connais un commissaire-priseur qui doit mettre aux enchères une collection de meubles anciens et qui a bien voulu la comprendre dans la vente. »« Ah !» Marthelot regardait plus attentivement Madame Noirtin. Il remarqua qu'elle avait les paupières rougies et il crut voir briller des larmes dans ses yeux bruns. Il n'était pas dupe de la prétendue plainte des gens du quatrième. Sûrement, Madame Noirtin était gênée. L'époque du terme approchait, et sans doute la veuve avait été forcée de vendre l'horloge qui avait une certaine valeur artistique. Il comprit tout cela, et aussi l'étendue du sacrifice qu'elle s'imposait. Il y eut un moment de silence pénible, puis Marthelot insinua « Vous ne m'avez jamais parlé de ce commissaire-priseur. Comment le nommez-vous donc ?»« Monsieur Bémion, c'est un ancien camarade de Noirtin. »« Et quand la vente doit-elle avoir lieu ?»« Après-demain, à 2 heures, à l'hôtel Drouot, au salle numéro 6. »« Et à ce propos, monsieur Marthelot, j'aurai un service à vous demander. »« Je désirerais assister à cette vente et savoir dans quelles mains tombera l'horloge. »« C'est un enfantillage, mais je tiens à le savoir et... » « Je n'ose aller là-bas toute seule. Voudriez-vous m'y accompagner ?» Elle disait cela d'une voix altérée qui serrait le cœur d'Évonime. Il se mit à la disposition de Madame Noirtin, puis la conversation se traîna languissamment sur des lieux communs et après avoir pris rendez-vous pour le surlendemain, on se quitta. Évonime revint chez lui tout songeur. Il dormit mal, s'éveilla avec un mouvement de fièvre et sortit de bon matin d'un air préoccupé. Le même jour, vers 10 heures, si un des collègues de Marthelot fut passé rue du Vieux-Colombier, il eut assisté à un spectacle absolument insolite. Évonime Marthelot, le sage, l'économe Évonime, se glissait furtivement dans l'escalier de la succursale du Mont-de-Piété et en ressortait un quart d'heure après la rougeur au front. À l'heure indiquée pour le rendez-vous, il alla prendre le lendemain Madame Noirtin chez elle et ils pénétrèrent ensemble dans la salle numéro 6 de l'hôtel des ventes. Il y avait peu de monde, peu d'amateurs, sérieux surtout. Quelques marchands de bric-à-brac mâles et femelles, aux redingotes grasses et aux robes fripées, à la mine fortement israélite, composaient le gros de l'assistance. Derrière le bureau du commissaire-priseur et son scribe, les meubles étaient entassés confusément. Parmi eux, l'horloge montrait son cadran émaillé et sa jolie boîte curieusement chantournée. Évonime sentit le bras de sa compagne trembler sur le sien et il serra silencieusement ce bras potelé contre sa poitrine comme pour exhorter la veuve au courage. On commença par vendre aux enchères un lot de faïence plus ou moins authentique, un faux bahut Henri II, une verdure en lambeaux. Puis le commissaire-priseur, désignant l'horloge, annonça d'une voix joviale « Une horloge Louis XV, en vieux noyer et bois de rose, avec cadran de cuivre ciselé et émaillé. Un très beau meuble, messieurs, très bien conservé, vous pouvez en juger. » Il fit signe à deux hommes de peine qui s'emparèrent de l'étui et le dressèrent devant le bureau. Au moment où on la posait d'aplomb, l'horloge se mit à tinter. La sonnerie lente et grave vibra jusque dans les hauteurs sonores de la salle numéro 6. En entendant cette sonnerie familière, qui avait été l'accompagnement de toutes ces émotions d'enfant, de toutes ces impressions de jeune femme, Madame Noirtin n'y put tenir. Sa poitrine se gonfla, ses lèvres se crispèrent, et elle détourna la tête pour qu'on ne la vît pas pleurer, tandis que le pauvre Évonime lui serrait plus tendrement le bras. « Vous entendez, messieurs ? » s'exclama l'officier ministériel. « Quelle sonnerie ! Un timbre d'or ! La marqueterie est charmante et exécutée en plein cœur de noyer. C'est un très beau morceau d'ébénisterie. Allons, nous avons acheteur à 80 francs. »« 90 !» cria un marchand de curiosité. « 100 !» « 110 !»« 110, nous avons acheteur à 120 !» interjeta le commissaire en clignant de l'œil du côté de Madame Noirtin. « 130 !» lança d'une voix aigre une revendeuse à la toilette. « 140 !»« 150 !»« 150 !» reprit le commissaire en levant son marteau. « Allons, personne ne dit plus rien. À 150, il n'y a plus de regrets, à juger. » Et le marteau retomba sur la table. « Allons-nous-en !» sanglota Madame Noirtin. « C'est fini !» Marthelot avait vivement tourné la tête dans la direction du commissaire-priseur. On emportait déjà l'horloge. Il entraîna la veuve hors de la salle et ils redescendirent lentement l'escalier boueux de l'hôtel. Quand ils furent dans la rue, Madame Noirtin put pleurer à son aise sous sa voilette. Les sanglots l'empêchaient d'articuler une parole. Silencieusement et affectueusement, Évonime l'emmenait vers la rue Lafayette. Puis, allongeant le chemin comme à plaisir, il lui fit prendre le boulevard Haussmann, la rue Tronchet, la rue Royale. Tout à son chagrin, la veuve se laissait conduire. Elle ne s'aperçut de la singulière route qu'il suivait que lorsqu'ils atteignirent le pont de la Concorde et qu'au lieu de tourner à gauche, Évonime se dirigea par le quai d'Orsay vers l'esplanade des Invalides. « Mais, cher monsieur, dit-elle enfin, où me menez-vous? Nous tournons le dos à la rue du Bac. »« Vous avez besoin d'air, objecta-t-il doucement, et un tour de promenade vous fera du bien. Nous reviendrons par la rue de Sèvres. » Ils continuèrent de cheminer lentement le long des allées que les platanes et les ormes jonchaient de feuilles jaunes. Évonime avait raison, et l'air frais avait fini par détendre les nerfs de la veuve. Elle pouvait parler maintenant et son chagrin s'était changé en une rêveuse et communicative mélancolie. Le crépuscule tombait et les becs de gaz s'allumaient déjà quand ils arrivèrent devant la maison de la rue Saint-Placide. Évonime insista pour prendre lui-même la clé chez la concierge et accompagner Madame Noirtin jusqu'à son cinquième. « Quelle étrange chose que l'habitude !» dit la veuve d'une voix où sourdait un dernier sanglot, tandis qu'elle s'arrêtait pour respirer sur le palier du quatrième. « Je me figure encore entendre le tic-tac de ma pauvre horloge, et pourtant c'est bien fini. » Ils atteignirent le cinquième, on pénétrait tout de go dans la salle à manger, et quand la porte se fut fermée, dans l'obscurité, la veuve saisit brusquement le bras de Marthelot. « Voyons, balbutia-t-elle, est-ce que je deviens folle ?»« J'entends le tic-tac, positivement. » « C'est singulier, » répondit hypocritement Marthelot en frottant une allumette. Et une fois le bougeoir allumé, oh, surprise, la vieille horloge était là, à sa place accoutumée, entre l'armoire vitrée et le poêle de faïence. « C'est ma foi vrai, » dit Évonime en rougissant et en posant le bougeoir sur la table. « C'est ma foi vrai, la voici. » Madame Noirtin et Bobby regardaient alternativement l'horloge et Évonime qui perdaient contenance. Involontairement, les yeux de la veuve tombèrent sur le gilet noir du commis et elle ne vit plus reluire la vieille chaîne d'or au gros chaînon massif qui reliait la montre de M. Marthelot à la boutonnière du milieu. Elle comprit tout, et ses yeux redevinrent humides. « Ah, monsieur Evonim !» s'écria-t-elle en se jetant à son cou. « C'est vous, vous êtes bon !»« Non, non !» murmura-t-il en la serrant contre sa poitrine. « Je vous aime, voilà tout. Il y a longtemps que je voulais vous le dire, et l'horloge... Enfin, vous comprenez. J'ai saisi l'occasion aux cheveux. » À ce moment, l'horloge se mit à tinter, et sa lente sonnerie accompagna avec gravité la demande en mariage timidement formulée par Evonim Martelot. Ainsi s'achève l'horloge d'André Theuriet.